même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire, toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Je dirais du 400 ans, 5 ans, je camoufle l'odeur qu'on aspire en brûlant de l'encens. Présent, l'air mort, je suis venu sans. Pas rouge dans la vue du sang et tu me comprendras si c'est pas dans le temps. Si je bouge avant qu'expire mon droit à la vie, je gagne tant que je respire, on passe en j'inspire. J'expire, 9, 5, 400, c'est où je m'inspire, où on aspire à être autre chose que des numéros ou des pourcents. On est tous en guerre poussant, des cris dingues, faire ces enfoirés très moussants, sur ta merde puissante. Là je prouve, grave, putain de porte sous. Mais qu'à couvre, y'a une seule nation sur le groupe. Putain de saison, j'ai mal comme mes types aux assises. Comme j'ai du mal à arrêter mes couplets à 16. Je donne ce que je sais, ce que je suis, ce que je fais, tout ce que j'ai, c'est ma voix. Le micro et la vérité. 2001, carrière.com sur la planète. L'indépendance en clame et on les pèsera sur internet. Et c'est précis, clair et net. Sinon fais-moi un procès, les autres peuvent aller me sucer le saxo ou la clarinette. Négro, c'est l'Ino FT, on est gagnant tant qu'on respire. Nous c'est ce qu'on dit, tous nos enfants ici mettent. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde veut se mettre bien. Les PD deviennent bouddhistes, trop de gueule pour ce bout d'os. Je me sens devenir végétarien, flippant de l'avenir de vie de gens tarés. Charge le rapport, niqueur, système raté. Parce que je suis trop à la rue, mon labyrinthe. Serais-je de ceux que le diable oriente? Débute ma victoire hante. Gangster calmé, ceux qui espèrent l'être longtemps. Ceux qui l'ont fait une fois, qu'attendent un mandat 30. Ceux qui disent après celui-là et l'autre, j'arrête. Prennent la tête ou pas, souhaitent ou pas trouver autre chose. Pour que ça rentre, enfant de savant, même quand y'a plus de chute. Aux aguets pour esquiver ceux qui aiment qu'on se rentre dedans pour se monter dessus. Révélé agressif comme je passe en changeant. Je gagne tant que je suis au pire, tant que je roule pire, tant que mes graines braillent. Quand on mic, mes watts s'étirent, on fait des gosses sans croire à l'avenir. C'est ça le génocide à dire, vrai. Pire frère, ici on admire vrai. Nous consentir mal à pas pouvoir rentrer dans leur délire. Je pars peut-être trop loin, frappe une fiction, la vie c'est pire. Demain c'est pire, donc aujourd'hui c'est jamais grave. Tant que Dieu la poisse et les joints gravitent. Même si moi et les frères on galère à trouver nos limites. Y'a de ces enfoirés niqués, bénéf, après me tendre des filtres. Après ils osent dire que c'est moi qui me fais des films. Et puis les années défilent, on reste là, passerise là. Gauche, droite, droite, droite, droite. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Tous les jours laisse-moi louer le papa. C'est lui le jugement, c'est lui le païen. Pardonne-nous papa et guide-nous pas. Tu es la lumière papa, m'abandonne pas. Toute pollution, toi seul c'est où on va. Éduquer les youths qui puissent mener le combat. Pour la vie, tous les jours, qui c'est du love et du colcha. Tant qu'il m'autorise à être là, Mdilino Jama, je garde tant que je respire. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Toujours le même plan de survie, ça devient dingue. Bien temps que je respire, tous les jours prier l'Almighty. Once again, bien temps que je respire. Tant que ça fait kiffer les gosses, respire tête haute même si ça fait kiffer tant les grosses. Tant que je respire, aïe, la vérité.